Je suis moi et pas toi, tais-toi ou j'aboie un verre d'eau pour être bien équilibré. Je m'amuse dans ma nature, j'assume. Je reprends le dessus, y'a pas d'issue. J'opère, j'en jette, t'inquiète, je gère. Je suis un petit bonhomme, je trace ma route. Souvent oublié, j'ai bien dormi, je suis prêt à manœuvrer. On m'appelle chef sur les chantiers de BTP. Une récupération, une réputation dans mon métier. Je l'ai approuvé, oh désolé. Je me donne à 200% croissant de mon effort. C'est pour la forme que je suis passionné. Je le fais pour moi. Soi-disant les clients sont rois, sans les ouvriers qui sont pauvres. Mais cher, à quelle époque ça se décide? Simplement je décortique mon précieux. À une époque fort loin et avant une époque, le client était royal. Expérience de petit forain, maintenant c'est plus la même. Et je chante, chante non loin de toi. Et je bouge, bouge pour en passer une. Et je gagne, gagne pour perdre. Au naturel, personne ne veut changer, juste s'affirmer. Oui, je suis plus timide. Dans mon coin, coin, coin, le petit canard marche sur quatre pattes. J'ouvre, je vois, je recherche toutes mes valeurs et mets en place mon argumentation par passion. Argument sur argument, je développe, j'enveloppe et hop le coq. La poule est-elle française? Telle est la question événementielle. Donne-moi la main, donne-moi la parole, donne-moi de la pratique. Elle ne va pas sans l'autre, la pratique est-elle plus difficile ou facile que la théorie? Et je chante, chante, non loin de toi. Et je bouge, bouge pour faire de place. Et je gagne, gagne pour perdre. Je me réveille et me demande à quelle année on est. Petit navire, navré, désolé, le décor est plein, j'en sais. Et puis la nature à propos de mes propos propres, je vois ce que je suis et après. Pas de finesse, je ne fais pas de la finesse. J'envoie le, je tire dans le tas, je suis gras, je suis posé et raisonné. J'avance, j'articule mon articulation qui par méprisation semble impossible. Je déconne plein pot, j'en fais mon affaire. Regarde les arbres pousser pendant toutes ces années, je ne m'y reconnais pas. La civilisation a changé, carte civilisée. C'est vital d'avoir une carte vitale.